Bonjour, vous êtes bien sûr sur Fadjet 94.2, l'émission du Café Social 54. Alors, c'est peut-être une surprise pour les auditeurs et les auditrices, c'est Mohamed qui anime aujourd'hui à la place de Mustapha qui est retenu. Donc, si je fais un apprentissage en même temps, je vous demande beaucoup de tolérance. Et aujourd'hui, j'accueille Malek qui va nous parler de son voyage, de toute son histoire, de son histoire d'immigration. Il va nous parler de Béjaïa, il va nous parler de son retour d'Algérie. Et cette émission, bien sûr, sera dimanche de 9h à 10h. Vous pourrez nous écouter ce dimanche de 9h à 10h. C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait. Place de Brouckère, on voyait des vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline. Place de Brouckère, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y avait mon grand-père, y avait ma grand-mère. Il était militaire, elle était fonctionnaire. Il pensait pas, elle pensait rien, et on voudrait que je sois malin. Oh, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait. Sur les pavés de la place Sainte-Catherine, dansaient les hommes, des femmes en crinoline. Sur les pavés dansaient les omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y avait mon grand-père, y avait ma grand-mère. Il avait su y faire, elle avait laissé faire. Il l'avait donc fait tous les deux, et on voudrait que je sois sérieux. Oh, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles dansait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait. Sous les lampions de la place Sainte-Justine, chantaient les hommes, les femmes en crinoline. Sous les lampions dansaient les omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y avait mon grand-père, y avait ma grand-mère. Il attendait la guerre, elle attendait mon père. Ils étaient gays comme le canal, et on voudrait que j'aie le moral. Oh, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps Bruxelles chantait, tout au temps Bruxelles Bruxelles. Bonjour de nouveau, Mohamed avec vous et Malek Kellou comme invité aujourd'hui. Bonjour, Azul Salawan et Salam alaikum. Je vous salue et vous avez aussi les salutations de Malek qui est avec nous et qui va nous faire un peu vivre son histoire. Il revient en plus de ça d'une histoire c'est une histoire avec sa fille, c'est une grande histoire, c'est la sienne, mais en même temps partagée avec sa fille. D'où toute l'émotion que vous pourrez ressentir en écoutant maintenant Malek, à qui je vais demander de se présenter. Merci Malek d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci Mohamed pour cette invitation. Donc moi je suis réalisateur de télévision et j'ai commencé à travailler en Algérie comme réalisateur. Ensuite je suis allé faire des études à Bruxelles et j'ai connu Bruxelles qui bruxellait, etc. Enfin c'était une très belle période de ma vie. Donc j'ai fait des études de cinéma Et là, vraiment, ce que je voulais dire, c'est surtout la première image qui m'a frappé du changement que j'ai eu entre l'Algérie et l'Europe. Oui. J'arrive pour faire des études, je vais dans un grand amphithéâtre à l'ULB, à l'Université libre de Bruxelles, oui. Et il y avait Georges Mandel à l'époque, qui est un grand économiste, et qui faisait une conférence sur l'économie mondiale, les changements, etc. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une liberté de temps que je n'avais pas en Algérie, où c'était plutôt ex-cathédra, bien encadré, bien réfléchi. Attention. C'était dans quelle année, ça? Ça, c'est les années 70, les années l'après 68, ah, ouais, après c'est 68, exactement ouais. En 1972. Oui. Donc j'ai découvert donc, Bruxelles qui vivait, et j'ai vécu donc, dans ce pays 5 ans, et je garde un très grand souvenir, et des amitiés avec beaucoup de Belges et autres. Mais vous êtes toujours à Bruxelles, quelque part. Oui, vous oui, êtes oui. Entre l'Algérie, Bruxelles et puis Nancy. Voilà, c'est ça. Et ouais. Ensuite, je suis retourné en Algérie pour travailler après mes études. Mais malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé parce que le métier que je faisais comme réalisateur était un métier d'abord de l'exercice de la liberté, oui, c'est-à-dire oui. De la création, de oui. L'imagination, de faire des films qu'on a envie de faire, etc. Et je suis tombé dans un cadre très officiel de l'État algérien, qui était la RTA à l'époque, Radio-Télévision Algérienne. Et là, j'ai rencontré un directeur qui était extrêmement rigide. Il a dit, soit tu rentres dans le droit chemin, les études de Bruxelles c'est fini, les films que tu as pu faire là-bas c'est terminé, maintenant on veut faire autre chose. C'est plus que ça. J'ai dit, bon écoutez, je suis désolé, mais j'ai un esprit d'indépendant, quelqu'un qui a goûté la liberté, je ne peux pas sacrifier ma liberté pour rentrer dans le rang. Et donc ça c'est... Oh, j'ai traîné pendant 2 ans en Algérie avec un film que j'avais fait avec le rédacteur en chef du Monde, Paul Balta, sur les échanges Sud-Nord. Et c'était à l'Office du cinéma algérien, l'ONCIC à l'époque. Et puis voilà, donc c'était une période très, très courte, mais très douloureuse, où j'ai dû quitter le pays, donc je me suis exilé en France. J'ai suivi avec ma femme le chemin de retour à Paris, où j'ai repris mon travail à France Télévisions. Enfin, c'était à l'époque Antenne 2, France 3, etc. Finalement, tu quittes l'Algérie, tu découvres ce que tu disais, la liberté à Bruxelles. Et tu rentres pour, enfin, avec des bagages en tant que cinéaste, et là, la liberté disparaît. Tout à fait. Et pourtant, sur le soleil, au bord de la mer d'Alger. Mais je vois que tu nous as ramené une photo, et elle est très touchante. Elle me touche, moi aussi particulièrement, parce qu'elle me rajeunit. Elle me rajeunit un peu. C'est une photo de toi très jeune, c'est-à-dire 17 ans, tu me disais. Et tu es avec celui qui va devenir ce qu'on appelle l'inspecteur Tahar. Tu peux nous en dire un mot, juste oui, parce oui. que ça évoque pour toi ce que cette période. Écoute, j'ai travaillé pendant 3 ans. J'étais d'abord assistant à la télévision, et j'ai travaillé avec l'inspecteur Tahar. L'inspecteur Tahar était caméraman au départ. Donc il était caméraman et. On faisait ensemble des films sur le tourisme, sur les dates, on fait découvrir le pays. L'Algérie était inconnue pour les uns pour les autres, donc ça permettait aux régions de se rencontrer au niveau de la télévision. Et lui, il espérait toujours devenir acteur. Il me racontait, parce que quand on était dans la voiture, on allait vers Tougourt, vers Tamanrasset, vers des lieux comme ça, magiques. Et lui, il nous racontait des histoires. Il était habité par des contes arabes. Il a été, par exemple, Hizia. Moi, j'ai découvert Hizia avec lui. Il racontait Hizia, enfin, ses amours, ses trucs. Et il rêvait de devenir comédien. Ouais. Donc, il a bien réussi. Voilà, il a l'éclosion. Il garde tous les Algériens. Voilà, c'est un peu le Louis de Funès pour ceux qui ne connaissent pas. Absolument, ouais. Mais en même temps, on va aborder, juste après un morceau de musique, on va aborder Tu as demandé quelque chose, tu voulais, tu veux une musique particulière, tu veux... Ah oui, c'est un chanteur syrien qui me rappelle l'Andalousie parce que c'est un mélange de voix en espagnol et en arabe, un duo qui est Oui. magnifique, l'un des grands chanteurs Alors, syriens. avant de t'interroger et de parcourir un peu l'histoire du papa que tu es et de ta fille Dorothée, Myriam, on va écouter cette musique que tu nous as apportée avec toi. Merci. Merci Malek pour ce cadeau. C'est vraiment un cadeau, c'est une musique qui s'apprécie, qui s'écoute. Je pense que tu as fait des adeptes aujourd'hui. Tu peux nous rappeler le titre de... J'ai pas la pochette, il est sur. C'est Abed Azriye. Oui, Aziri. Voilà. C'est sur un live in England, in Berlin. D'accord, Berlin. in Berlin, Berlin. d'accord. Aziri. Voilà. Merci pour Voilà. ce bon moment de musique. Ce que je voudrais revenir à ce qui est aujourd'hui un peu le cœur, je dirais, de cette émission aujourd'hui, c'est cette histoire de Malek et de sa fille qui va comme retisser ou reconstruire un chemin, au fait, un chemin qui est le tien. Mais qui va, elle, le regarder, le revoir, le mettre en scène, le mettre en... et en faire un film que vous avez présenté un peu partout. Est-ce que tu peux même nous faire part de ton émotion de papa, de cinéaste en même temps? Oui, bah, avec plaisir. C'est l'histoire est partie un jour de Noël, oui. Hein, puisqu'on est la veille de Noël. J'ai offert à ma fille un scénario que j'avais écrit. Je voulais leur faire plaisir. Donc le scénario avait pour titre « Lettre à mes filles ». Je m'adressais donc à mes deux filles à travers des images, à travers des sons, à travers un voyage en Algérie. Et je voulais leur raconter mon histoire. Hein. Donc je voulais leur raconter mon histoire. Et malheureusement, le film n'a jamais été pris par France Télévisions, parce qu'il y avait un quota, il y avait un certain nombre de films qu'on faisait sur l'Algérie, on ne pouvait pas en faire plus dans l'année suivante. Quoi. Bon, voilà. Et donc ma fille a sauté sur une phrase qui était dans le scénario, qui était « Mon village était encerclé de barbelés pendant la guerre d'Algérie, et ça a duré donc 3 ans. Mon village était enfermé avec des fils de barbelés électrifiés et on ne pouvait pas sortir. Il y avait juste deux sorties, une pour aller chercher de l'eau et l'autre pour le cimetière. Donc c'était... Et on avait des gardiens donc, à la porte A et à la porte B et on était sous contrôle pendant 3 ans. Et à l'intérieur de ce village, il y a des populations qui étaient autour de mon village de Mansoura, qui étaient regroupés, donc des regroupés, et on partageait donc cette vie de misère pendant toute cette guerre d'Algérie, avec tous les problèmes qu'il y avait. Bon, voilà, elle s'est dit, bon, je vais faire un mémoire là-dessus. Il était parti à Washington pour faire des études de civilisation arabe, il a appris l'arabe. Ah oui. Il a appris l'arabe, il le parle mieux que moi. Il l'écrit mieux que moi. Il traduit des journaux arabophones en Angleterre. Il a fait, il a continué ses études. Oui, mais elle avait déjà l'héritage de son père. Oui, non, mais il s'est mis sur mes pas. Oui, il a envie de. Il est très sensible. Donc, je les ai privés du pays. C'est pas de ma faute que je les ai pas mis de côté. Je voulais pas ni retourner en Algérie. C'est vrai, j'étais en colère lorsque j'étais parti. Et ensuite est venue toute la période noire des années 90. Où je ne pouvais pas me permettre d'emmener mes filles pendant une guerre civile ou des tueries, etc. Donc, il a pris donc cette idée et il a fait un mémoire là-dessus, sur mon village, qui a beaucoup plu à Washington, à Georgetown. Et ils lui ont dit, ma femme, pourquoi Dorothée, tu n'essayes pas de pousser ta réflexion, étant donné que ton père est là, vous pouvez faire un film ensemble sur l'histoire de ce village. Et donc, après, donc il a écrit à sa façon l'histoire et il a pu avoir des capitaux pour pouvoir le produire. Il y avait l'Algérie qui a aidé, il y avait le CNC, il y avait un producteur français, etc. Bon, donc on est retourné et on a tourné ce film-là avec les gens avec lesquels j'ai vécu. J'ai retrouvé toutes les vieilles résistantes, tous les vieux résistants qui étaient mis de côté après l'indépendance. Vous l'entendez, ils sont rentrés dans l'anonymat. Et on a essayé de faire revivre un peu toutes ces émotions, cette force qui commençait à... On sentait que ça commençait à bouger un peu. Hein. Et donc, le film a beaucoup, beaucoup de succès. Il a été diffusé dans tous les festivals, parce que c'est une des premières choses lorsqu'on fait un film, c'est de le faire connaître internationalement. Oui. Il a eu des prix. Il a eu un premier prix à Agadir, au Maroc, sur le prix des droits de l'homme. Oui. Il avait un autre prix des historiens en Grèce. Et après, bon, il y a des festivals, il est allé récemment Amsterdam, je suis allé moi-même aussi animer des soirées en Bretagne. Hein, oui, j'ai rencontré des soldats qui étaient pas loin de chez moi et qui étaient des soldats, mais qui étaient de l'autre côté. C'était ceux qui nous surveillaient. Ils nous ont raconté aussi leur façon de regarder cette population. Ils avaient beaucoup de tendresse pour l'Algérie. Ils disaient, nous on était désappelés. On nous a dit, vous allez remettre un peu d'ordre, ça peut durer un mois ou deux. Et puis, ça a duré 3 ans, leur service militaire. C'était vraiment... Et ils racontaient les relations malgré tout humaines entre cette population enfermée dans des camps et eux-mêmes, quoi. Ils me disaient, bon, et un soldat m'a raconté une très belle histoire. Il me dit, à chaque fois que je vais chez eux, ils me donnent un café, mais ils mettaient plein de sucre. Il me dit, pourquoi ? Parce que pour rendre le café plus doux. C'est un signe d'accueil. D'accueil, c'est tout ce qu'ils avaient à lui offrir, mais c'était énorme. Bon, voilà l'histoire d'un petit peu sud de film. En même temps, je trouve que c'est une histoire extraordinaire, même si elle n'est pas facile pour l'enfant que tu étais. Parce que tu avais quel âge à l'époque ? Oh, j'avais 11 ans, 10 ans. 11 ans. 11 ans. Je racontais d'ailleurs dans le film une des scènes. Je racontais à ma fille, je lui dis, tu sais, je dormais dans une chambre et pendant la nuit, il y a ce qu'on appelle des bombes éclairantes, pour pouvoir voir un peu s'il y a des déplacements de l'ALN, l'armée de libération, dans le village. Et un jour, c'est tombé juste au-dessus de ma tête. Il s'était accroché à des bouts de branches qui constituaient pour nous les toits. Et s'est arrêté. Ça aurait pu tomber sur mon lit et je ne serais peut-être pas plus là. C'est vraiment des coups de chance. Et l'avantage, donc, c'est la relation qu'il y a entre ma fille et moi dans cette histoire. C'est la première fois qu'on voit un père et une fille dans l'histoire du cinéma, d'ailleurs, en dehors de Coppola, c'est une autre histoire. Mais où il y a vraiment une création commune d'une histoire qui nous appartient à tous les deux. Et ça fait vraiment... Est-ce que tu... Je vois que c'est quelque chose que tu as vécu, qui est un ancrage quand même émotionnel très fort, ce que j'entends, je le vois sur ton visage. Mais est-ce que tu peux dire que le fait que tu sois retourné avec ta fille, en revisitant un peu cette histoire, a été pour toi une forme de résilience ? Mais en tous les cas, ça m'a apporté une paix intérieure. Je culpabilisais énormément parce que je ne suis pas retourné pendant 40 ans dans ce village. 40 ans, ils ne m'ont pas vu. Et lorsqu'ils m'ont reconnu tout de suite, ils m'ont dit « Ah, t'as pas beaucoup changé, c'est bien que tu sois revenu. On attendait ton retour. Bon, voilà, parce qu'il me reste des terres encore en Kabylie, il me reste encore une maison, il me reste des choses. Bon, j'avais tourné le dos à tout ça pendant 40 ans, mais j'étais mal à l'aise. Et là, je trouve que c'est bien parce que, pour une fois, les gens du village voient une femme, la fille de Malek qui est partie, et qui prend donc la caméra et raconte leur histoire. Et ils projettent cette histoire à Washington, Amsterdam, au Maroc, etc. Donc le village qui était pendant la résistance, un lieu de résistance vraiment, parce que c'est la Kabylie, ça se bagarrait très fort. Et elle a fait sortir ce village comme une fleur qui était un peu dans le désert, quoi. Bon, personne ne le voyait, et d'un seul coup, ils sont heureux parce que c'est leur histoire. Merci, on va écouter un peu de musique et on va écouter Idir. زفتيث ودري سيس فراني نتسيك يتسنطي ويستي يزورك ذو قبري وعسس نتمذلين طرضني يفغ الصوت ولا شندور سليم دي غقار كي سلف un monde qui s'achève ils puisent leur courage dans les coups les outrages les années à se taire Les larmes de leur père, ces larmes de jasmin qui portent leur destin dans l'histoire de leur terre. Le plus beau reste à faire. Yeah, Elles ont risqué ici leur liberté fragile. يولد يطيج انسان فاين تتشتوى. Elles jouent à qui te double lorsque les temps se trouvent. طول النقار انسان فتل اللي فوزك يا. Leurs chants sont libérés, qui peut les effacer. La fierté de leur mère, leur adiva espère. Le monde te regarde, tu seras l'avant-garde. Qui se lève, un monde qui s'achève. La dite de doigts, une danse derrière le vent. Les années à se taire, les larmes de leur père. Anisselfoujidji, anivali ta galère. Dans l'histoire de leur terre, le plus beau reste à faire. Le plus beau reste à faire. Mansoura, tu nous as séparés. Film réalisé avec ta fille. Tu peux nous dire un peu quelques mots sur comment ils ont accueilli ça à Mansoura, dans ce village où toi, tu as été à 11 ans, effectivement, emprisonné, en quelque sorte, parce que tout le monde était en prison. C'était une forme de... C'était un emprisionnement par des barbelés. Avec, oui, tout à fait. C'était un mur de barbelés. Oui, moi j'ai appelé ça une prison à ciel ouvert. Ouais. J'ai un ciel ouvert parce qu'on voyait les étoiles, on ne peut pas nous empêcher de regarder les étoiles, mais le reste, on ne pouvait pas bouger. On rentrait à 6 heures du soir et le lendemain, jusqu'à 8 heures, on ne sortait pas. C'était ça. Et ils nous ont très bien accueillis. Parce qu'ils se disent, tiens, quelqu'un qui est parti, qui revient, donc il a des secrets à nous ramener, il a des choses à nous révéler, etc. Et ma fille, donc d'un seul coup, il découvre une petite Française qui est originaire de Nancy, qui parle parfaitement l'arabe et qui vit là, qui inscrit donc ses questions sur l'histoire de l'Algérie, sur la vie de cette population pendant la guerre d'Algérie. Ils étaient étonnés. Et je vais raconter juste une petite anecdote pour ne pas être trop long. Oui. On a rencontré une des femmes qui s'appelle Alja. Alja, c'est la lumière. Alja. Alja en kabyle, c'est la lumière. Voilà. Ouais. Et donc cette femme, je lui ai dit, pourquoi vous avez accepté de nous parler et vous n'avez jamais accepté de révéler votre histoire, qui est une histoire très riche. Ces premières résistances, 1954, où ils ont fait sauter un diesel de train de chemin de fer. Et une grande résistance. Locomotive, oui. Ouais. Et ses fils, deux sont morts. Elle, il a servi de refuge à tous les moudjahidines pendant 5 ans. Il traversait les barbelés et il venait chez elle, il mangeait et puis il repartait. Et moi, je les voyais, j'étais secrétaire. J'envoyais des lettres parce qu'ils connaissaient ça. Ils étaient analphabètes. Hein. Donc, je servais un peu de messager entre Alger et Mansoura. Le fil. Et du coup, je lui dis, il me répond, j'ai accepté de parler avec pour ta fille et pour toi et pour le film. Parce que ta mère, le jour que ma fille est née, il a arraché de son oreille une boucle en or qu'il a accrochée sur le berceau de ma fille. Il a dit c'est un cadeau, ça qui est inoubliable. Donc il m'a parlé avec une liberté, avec une gentillesse, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de dignité sur ce qu'était l'Algérie à cette époque-là. À la fois répression, mais en même temps, quelle solidarité qu'il y avait entre les gens. Les gens s'aimaient, les gens résistaient ensemble. C'est magnifique, c'est magnifique. Et voilà. C'est quand même extraordinaire ce que tu viens de raconter avec cette boucle d'or qu'elle a laissée. Et c'est cette petite fille qui va faire une boucle, en quelque sorte, qui va lever oui. ce barbelé, hein, et en même temps, lever pour toi ce secret que, et ce silence que tu avais sur Mansoura. Oui, tout à fait. Et notre prochain film qu'il est en train d'écrire, qui a été sélectionné d'ailleurs comme ouais. scénario, c'est, on a découvert ces gens-là aussi. Il y avait une découverte réciproque. Et nous, maintenant, Dorothée est en train d'écrire donc, son propre scénario. Et c'est là, encore le faire avec les gens du village, avec beaucoup de fiction, un peu plus élaboré, plus film que premier film. Hein. Donc, ils nous attendent et ça sera peut-être une autre découverte de ce lieu. Ouais, ouais, une âme de ce village, parce que vraiment, il a une âme, ce village-là. C'est vraiment magique ce que... finalement, tu n'as pas été voir un psy, tu n'as pas fait une analyse, tu n'as pas... Et finalement, c'est ta fille, à travers quelques mots que tu as écrits, qui va finalement dérouler... elle va te ramener à Mansoura, Mais je t'avoue, franchement, franchement, j'ai passé 7 ans quand même sur un divan, si j'aime si. Mais ça ne m'a pas apporté de... La vraie solution, c'est ma fille qui m'a pris par la main. Comme dans l'histoire d'Antigone. Absolument. Hein, et bon, il amène son père aveugle dans son village, et là où il était roi, etc. Ouais. Et ça, c'est magnifique. Donc, elle lève le secret et en même temps, elle te redonne la vue sur Mansoura. Et sur l'Algérie. Mansoura, c'est symbolique. Toute l'Algérie qui est en train de bouger, qui est en train de se transformer avec une jeunesse magnifique. Et j'espère que ça aboutira à quelque chose de très fort et de très grand. Mais tu sais qu'il y a, un autre village, une citadelle plutôt, qui s'appelle Tlemcen, Mansoura, du côté de Tlemcen. Je sais. Ces histoires de Mansoura avec la citadelle, il faudra peut-être les explorer. Il faudra peut-être en parler à tout ça. Mais il y a une autre Mansoura près du Caire. Et quand il a vu mon passeport, le policier égyptien, il m'a dit « Zaïd fait Mansoura ?» Oui. Il y a Mansoura encore en Algérie. Je lui ai dit, mais tu sais que c'est le Caire, il a été créé par les Berbères. Voilà. On écoute un peu de musique avec ce que tu nous as rapporté, offert et que tu vas offrir au public du Café Social. Thank you. Malek, encore une question qui me taraude depuis tout à l'heure, c'est comment tu as dit par exemple tout à l'heure, quel est ce qui a déclenché chez Myriam, Dorothée, le fait d'apprendre la langue arabe? Est-ce que tu as des éléments? Oui, que tu bon. Sais qu'il a pu... Tu l'as privée de ça? Tu l'as... Oui, elle se sentait privée justement du fait que je ne lui ai pas appris à parler l'arabe. C'est très difficile pour moi, je le dis sincèrement, pour un couple mixte. Donc, moi et sa maman, on parlait français à la maison. Donc, je ne voyais pas. Et puis, moi, je ne voulais pas entretenir une nostalgie que souvent les immigrés font en faisant miroiter de l'autre côté la beauté des paysages, l'histoire belle, etc. Et on oublie ce que c'est la réalité, quoi. Et troisièmement, moi, je voulais que mes filles, Malia et Dorothée, d'abord maîtrisent une langue à fond. C'était le français, donc dans un sens où ils ont la maîtrise de la langue. Après, les langues, on les apprend aussi facilement. Oui, on apprend l'anglais, on apprend l'arabe, l'arabe kabyle, etc. C'est des moyens, des véhicules d'expression. Donc, je l'ai peut-être senti frustré, mais en même temps, cette envie d'apprendre l'arabe, d'appréhender l'histoire de la colonisation, l'histoire de l'arabité, l'histoire... Parce que elle vivait entre les deux continents, entre l'Afrique et l'Europe, mais en même temps, il n'avait pas les clés pour comprendre ce qui se passe là-bas. Donc maintenant, il a une clé et puis il y va. Bon, il ouvre, puis il ouvrira. Et la bonne porte. J'aime bien la métaphore de la clé, ce qui me permet de rebondir et de dire, finalement, c'est ta fille qui a été sur ton territoire, parce qu'elle va et elle apprend effectivement une langue pour que... Et toi, chez le père, qu'est-ce que ça fait? Parce que tu aurais pu le vivre comme une intrusion, parce qu'en même temps, tu l'as privée, et puis finalement, elle vient, elle t'apprivoise. Elle t'apprivoise, elle t'amène à Mansoura, elle te fait découvrir Malek, en quelque sorte, à nos âges. C'est quand même une énigme, quoi. Pour moi, je pense que c'est nos enfants sont un peu le prolongement de nous-mêmes, quoi. Partie, on a fait traverser un moment ensemble et on a transmis la culture, on a transmis la musique, on a transmis... C'est d'autres véhicules. Oui. Et la question s'est posée à un moment où les spectateurs me disent « Oui, mais c'est quoi? C'est magnifique cette histoire de père-fille dans le cinéma. » Alors, ils me posent la question « Est-ce que vous allez continuer à faire des films ensemble ?» Je ne sais pas. Peut-être qu'on fera des films ensemble, peut-être pas. Mais ce qui est important de savoir, c'est que j'ai l'impression que Dorothée a fait ce que moi, je n'ai pas pu faire. Ce n'est pas une faiblesse de ma part. Oui. C'est-à-dire que moi, je suis tombé dans une époque où la liberté de création était inexistante. Moi-même, je ne voulais pas retourner dans un village parce que je suis sorti de ce village pour aller faire l'Europe, pour faire des études. Tu sais, je raconterai une petite histoire. Le premier jour de mon arrivée à l'école à Mansoura, cette école a été brûlée par le FLN à l'époque. Pendant la guerre d'Algérie, on ne veut pas de... Et j'ai eu la chance d'écouter la radio, à l'époque c'était Europe 1, qui lançait en publicité en disant « Suivez par correspondance vos cours ». Et je me suis dit « Oh là là, il y a quelque chose qui se passe à Paris, je vais écrire et je vais m'inscrire par correspondance ». Et j'ai suivi pendant 4 ans des cours par correspondance. J'envoyais à Paris mes exercices et ils reviennent à Mansoura et je renvoie à Paris ensuite, etc. Ça a duré comme ça. C'est ce qui m'a sauvé. Et ce qui m'a sauvé, c'est ma mère, parce que ce que je continue moi à faire pour ma fille, je l'ai eu de ma mère. Elle voulait absolument que je fasse des études. Il faut absolument que j'aille plus loin qu'elle. Et moi, je voudrais que ma fille aille un peu plus loin que moi. Ça, c'est dans la logique même de l'histoire individuelle de chacun. On voudrait faire du progrès et on essaie de faire que ce progrès se réalise. Et moi, je pense que, pour reprendre directement à ta question, ce progrès-là est réalisé. Bon, voilà. Merci. Est-ce que Dorothée, avec laquelle maintenant, c'est vrai qu'actuellement, en voyage un peu partout pour présenter son film. Je sais qu'elle est en train de recueillir aussi des sons, des tout ce qu'il peut lui fournir, qu'on peut lui fournir comme documentation. Donc c'est vrai, c'est une invitation s'il y a des personnes qui ont des sons, sur, enfin des images ou des sons, je ne sais pas si c'est exactement ce qu'elle voulait, mais... C'est le regroupement, oui. Qu'ils n'hésitent pas à nous contacter au Café Social ou à les envoyer au mail du Café Social, on lui transmettrait, non? Oui, c'est ou ça. Alors appeler ici éventuellement. Mais et elle, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce qu'elle t'a dit par rapport à ce... Quand vous avez réalisé le film, la première fois où vous l'avez projeté? On l'a projeté aux gens du village. Ouais. On n'avait pas les autorisations pour réunir beaucoup de monde, pour faire une grande fête et tout. Ça, malheureusement, on n'a pas pu le faire, parce qu'il faut l'autorisation du ministère, il faut le numéro de censure, etc. On n'a pas eu le faire de démarche. Donc j'ai préféré que ce soit en intime, c'est-à-dire les gens qui ont participé au film, les gens les plus proches, etc. On a projeté ça dans un grand café, et c'était très très bien accueilli. C'est marrant, c'est un retour naturel vers les gens qui ont fait le film avec nous, parce qu'ils ont participé à l'élaboration, à la création de ce film. Ils se sentent concernés, ils nous suivent. Par exemple, il y avait des intervenants qui sont venus à Bougie, lorsqu'il y avait le festival des rencontres de Bougie pour le cinéma. Ils sont venus avec nous. Et là, par exemple, il y a un des intervenants qui est un historien, Ben Hassan. Dorothée l'a appelé. Pour participer tous les deux au Centre culturel français qui va projeter le film. Il va peut-être ramener une autre femme pour aller à Tlemcen, parce qu'il y a un festival de Tlemcen. Oui, un festival de Tlemcen. Voilà. Ouais. Donc, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment un travail collectif, quoi. Il n'y a pas de végétariat dans l'histoire. Très il n'y a bien. Pas de. Oui, ouais, vraiment, vraiment ouvert, quoi. Ouais. Voilà. C'est un peu l'état d'esprit de Malek, ça ouais, aussi. Oui, un peu, beaucoup, oui. Un peu, beaucoup, tout à fait. Même, ouais, oui. Ouais. Et en même temps, ce que je voudrais. Aborder avec toi, c'est la question aussi de l'immigration, parce que actuellement l'actualité nous inonde avec la question des immigrés, des migrants, etc. Et quand je vois la réalisation, quand je vois tout ce que tu es en train de dire, comment tu as élevé tes filles, etc., dans le respect de cette République, dans le respect de la langue française, etc., et qu'en même temps avec tout ce qu'elle apporte en termes de civilisation, en termes de culture. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus? Parce que je vais te donner un exemple. J'étais il y a une dizaine de jours, et c'est le papa d'un ami, et je connaissais bien ce qui est décédé il y a un peu plus de 80 ans. Et il y avait toute sa famille qui était là. Oui, mais les enfants, ils étaient nombreux. Il y avait des petits-enfants, il y avait des petits-petits-enfants qui étaient là. Et je regardais, ils étaient peut-être, je ne sais pas, une soixantaine, 70 personnes. Et je me suis dit, tout ça parce qu'il y a un monsieur, je vais le citer, monsieur Gafour, qui a immigré un jour et qui est venu habiter en Lorraine. Et voilà ce que ça donne. Mmh. Et toutes ces personnes participent parce que c'est la culture, la République française, etc. C'est toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais écoute, j'ai un point de vue très ouvert sur l'immigration. Moi, je trouve que l'immigration, on l'a un peu galvaudé. La chance que les pays d'Europe, en général, c'est d'avoir... Des gens cultivés, des gens jeunes, des gens ouverts, des gens qui peuvent redynamiser cette Europe. Ça fait secouer un petit peu le cocotier. Moi, j'ai discuté un jour avec Platini. On faisait un film sur l'immigration italienne. Et puis, il me dit, tu sais, il ne faut pas être trop pressé. Moi, mon père était prof. Mon arrière-grand-père, là, était un simple... artisan. Moi, je suis devenu une vedette de football. C'est au bout de 3 ou 4 générations pour que l'on recueille les fruits. C'est pas du tout du jour au lendemain. Absolument. Donc, un pays qui a une vision un peu plus large, donc peut avec l'immigration, intégrer de nouvelles valeurs, de nouvelles acquisitions, de nouvelles connaissances, etc. Je vois par exemple Dorothée actuellement, après le cinéma, elle travaille pour Le Monde, elle est en train de faire des portraits de tous les Algériens qui sont francophones, qui sont médecins, qui sont comédiens, qui sont dans l'action en Algérie. On fait découvrir un pays. Et ce pays-là est très très proche de la France. Il n'y a pas de barrière. Hein, c'est-à-dire que moi, je dis, par exemple à mes amis français, nous on est venus libérer votre pays. C'est quand même énorme comme métaphore. Tu vois le nombre de morts quoi, à Marseille, Cassini. Et je leur dis, le premier président algérien était gardien de football à Marseille, à l'OM, Bembella. Mais c'est tout ça. Ces liens ont été cassés parce qu'il y avait la guerre d'Algérie, parce que le racisme s'entretient aussi à cause de tous ces événements. Mais je pense qu'avec le recul, on finira par retrouver... Oui, parce qu'en même temps, ce qu'on voit, c'est qu'il y a... Quand on voit les événements actuellement que vit l'Algérie, hein, même avec ce Hirak qui est pacifique et non violent, c'est presque un exemple actuellement, c'est une première au niveau du monde, hein, je veux dire. Quelque part, il y a une culture de cette révolution, il y a un lien avec la révolution. Mais je voudrais revenir un peu à ton histoire, parce que tu me parlais de Béjaïa, de Ibn Khaldoun aussi... Parce que Béjaïa est pas loin de Mansoura. Oui, mais on fait partie de la même tribu. C'est-à-dire que le Qalaïch d'Ibn Hamad, c'est une tribu qui était près de Msila. C'était la capitale d'Ibn Hamad. Ouais. Et lorsqu'il y a eu l'Ibn Hilal, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés en Algérie, ils ont détruit cette capitale. Et alors, une partie est restée de cette population à Mansoura, l'autre est allée à Bougie. D'accord. Et ils ont créé le royaume de Bougie. Bougie qui est devenu maintenant... Voilà, Bougie qui porte le nom de la Bougie. C'est-à-dire qu'à l'origine, Begaïs, c'est la Bougie. Et c'est parce qu'ils fabriquaient à partir de la cire des bougies qu'ils vendaient à toute l'Europe. Donc c'était l'éclairage grâce à Bougie que les royaumes, que les royaumes français, polonais, hongrois, etc., ils étaient éclairés par la bougie de Bougie. Quoi. Voilà, c'est ça le c'est ça l'idée. Ah, ça nous intéressera pour un kawasité, ça, de parler oui, bien sûr. C'est vrai, d'un éclairage comme ça. Et ce serait bien, la lumière de bougie. D'ailleurs, c'est assez chouette comme concept, leur festival. Il n'y a pas de prix, par exemple, il n'y a pas de concurrence entre les réalisateurs et les films. C'est un festival complètement ouvert. Il y avait des discussions après les projections. Le lendemain, il y a des colloques. On discute sur le cinéma, sur la situation du pays, sur ce que l'on fait, etc. Quoi, voilà. Et on entend Jean Ferrat. J'en ai tant vu qui s'en allèrent, ils ne demandaient que du feu. Ils se contentaient de si peu, ils avaient si peu de colère. J'entends leurs pas, j'entends leurs voix qui disent des choses banales. Comme on en lit sur le journal, comme on en dit le soir chez soi. Ce qu'on fait de vous, hommes, femmes, aux pierres tendres, tout usées. Et vos apparences brisées, vous regardez m'arrache l'âme. Les choses vont comme elles vont, de temps en temps la terre tremble. Le malheur au malheur ressemble, il est profond, profond, profond. Vous voudriez au ciel bleu croire, je le connais ce sentiment. J'y crois aussi moi par moments, comme l'alouette au miroir. J'y crois parfois, je vous l'avoue, à n'en pas croire mes oreilles. Ah, je suis bien votre pareil. Ah, je suis bien pareil à vous. À vous comme les grains de sable, comme le sang toujours versé, comme les doigts toujours blessés. Ah, je suis bien votre semblable. j'aurais tant voulu vous aider, vous qui semblez autre moi-même. Mais les mots qu'au vent noir je sème, qui sait si vous les entendez? Tout se perd et rien ne vous touche, ni mes paroles, ni mes mains. Et vous passez votre chemin, sans savoir ce que dit ma bouche. Votre enfer est pourtant le mien, nous vivons sous le même règne. Et lorsque vous saignez, je saigne, et je meurs dans vos mêmes liens. Quelle heure est-il, quel temps fait-il? J'aurais tant aimé cependant gagner pour vous, pour moi perdant, avoir été peut-être utile. C'est un rêve modeste et fou, il aurait mieux valu le taire. Vous me mettrez avec en terre, comme une étoile au fond d'un trou. Vous venez d'écouter Jean Ferrat, j'entends, j'entends. Et de nouveau, nous sommes toujours avec Malek. Alors, Malek, c'est vraiment... T'es un raconteur d'histoire. C'est... Moi, le temps passe, les minutes là passent. Et l'heure va être... va se terminer pratiquement dans quelques minutes. Et je suis un peu presque frustré parce que finalement, ça demanderait plus... plus de temps à t'écouter, plus de... Mais en même temps, je sais que tu as plein de possibles dans tout ce que tu... dans toute ton histoire, dans tout ce que tu peux faire. Est-ce que tu peux nous... Je sais que tu as fait un travail il y a quelque temps, puis tu en parles souvent de l'émir Abdelkader, surtout du soufisme. Et c'est un lien aussi avec... je dirais toute l'histoire, toutes les énigmes que tu... travailler sur l'émir Abdelkader, est-ce que ça a un lien avec Mansoura? Ça a un lien avec sortir des barbelés, sortir celui qu'on a emprisonné, est-ce que ça a un lien aussi avec ça? Mais ça a un lien parce que dans la philosophie du soufisme, pour être très très clair et très simple, c'est qu'on estime qu'un être humain vit sa vie, mais son âme, pendant qu'il vit sur terre, elle est enfermée dans un cercueil. Oui. Et à sa mort, le cercueil se casse et l'âme s'envole. C'est-à-dire se libère. Oui, c'est une belle métaphore. Oui, et ouais. Chez l'émir Abdelkader, il y a ça. C'est-à-dire que chez l'émir Abdelkader, il a été prisonnier en France. Il était aussi isolé parce que les tribus en Algérie ne le suivaient pas. Oui, oui. Il a été trahi par sa famille, il a été trahi par le roi du Maroc, il a été trahi par les marchands du temple. Et donc, l'émir Abdelkader a pu survivre. Il a résisté, malgré cela, pendant 15 ans. Ensuite, il a été amené à Amboise, où il est resté prisonnier pendant 4 ans. Oui. Parce qu'en 1830, il y a eu des mouvements de contestation en France, etc. Lorsque les républicains ont repris le pouvoir sur la royauté à l'époque, etc., ils ont dit c'est ce musulman arabe qui vient ici, on l'oublie, on le met quelque part et on l'oublie. Il a fallu que Napoléon III revienne au pouvoir pour faire de lui non seulement un allié, mais aussi un ami. Donc, et l'émir Abdelkader a pardonné à tout le monde, y compris à tous ces généraux qui étaient francs-maçons, qui ont conquis l'Algérie. Ouais. Il leur a dit, moi je me fais maçon. Lorsqu'il est arrivé en Syrie, étant libre, hein, il ne voulait pas France. Et il a découvert que derrière le soufisme et derrière la maçonnerie, il y a un lien très étroit, qui est un lien humain et spirituel. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est cette spiritualité qui manque actuellement dans le monde. C'est-à-dire, on est plus en train de s'enrichir, en train de s'engrosser, en train de devenir énorme par les richesses que certains s'accaparent et d'autres pas, etc. C'est des luttes matérielles. Mmh. Derrière ça, il y a quelque chose qui est commun à tous les hommes, c'est le bonheur, c'est la liberté, c'est la compréhension, c'est l'entente. Et l'entente. Le soufisme, c'est un peu cette philosophie-là. C'est-à-dire, il faut savoir pardonner à ses ennemis, L'émir Abdelkader, il l'a fait. Il l'a fait. Il a fait aussi introduire en Orient la construction du pont du canal de Suez. Oui, oui. Il a fait des réalisations énormes, tout en n'étant pas dans son pays. On lui a dit, au moment où il y avait la révolte en 1870, il a dit, non, moi je ne retourne pas en Algérie, c'est fini, j'ai fait mon temps, d'autres reprendront le flambeau s'il le faut. Moi, il faut savoir connaître ses limites. C'est-à-dire, il ne faut pas à chaque fois croire qu'on va casser la baraque, etc. Donc, il faut être modeste parce que la vie est trop compliquée pour pouvoir la simplifier comme ça. Voilà. Mais j'espère que ce que tu viens de dire sera aussi, je dirais, un élément de transmission, comme tu le fais avec ce film, comme ta fille le fait aussi à travers le film. De cette mémoire de l'enfant que tu étais à 11 ans, parce que c'est ça, je pense que ça me fait évoquer comme les poupées gigognes, tu sais. Voilà, on dirait qu'il y avait à l'intérieur de ces poupées gigognes un enfant gigogne qui s'appelle Malek et que sa fille est venue le cirer et lui dire « Bien, on va faire un chemin ensemble et elle t'a ramené ensuite. Oui. » C'est vrai. Mais tu sais, il y a une réponse que j'ai donnée à Dorothée. À chaque fois, dans les débats, elle dit « Papa ne m'a pas appris l'arabe, ne m'a pas appris le berbère, ne m'a pas appris mon histoire. » Je lui dis « Attends, tu sais ce que je t'ai appris ? Je t'emmenais toutes les semaines au cinéma et je t'apprenais ce que c'est que le langage cinématographique qui est un langage universel. Tu as eu la chance d'aller avec ton papa voir les films décortiqués. Tu vois, je lui ai appris un peu l'introduction au sophisme, à la pensée un peu comme ça, universelle, fraternelle, belle, etc. Ouais. J'espère qu'il continuera dans cette voie parce que c'est ce que moi j'espère pour toute l'humanité. Ouais. Moi j'appréciais beaucoup ce que tu viens de dire, dans la mesure aussi où il y a un caractère important, c'est la façon dont tu le dis, le ton de ta voix, ce côté un peu, je dirais, pacifique, hein, comme relax, sans jugement, sans... Et puis même, je veux dire, on pourrait dire que 3 ans enfermé dans un village, je veux dire, t'as pas gardé la France coloniale, quoi, quelque part. Eh bien, ça s'achève, oui, comme je te le disais, c'est avec regret, mais je pense qu'on aura l'occasion peut-être de refaire ça à un autre moment. Merci à vous tous. Vous retrouverez bien sûr Mustapha. Ah. Juste avant de terminer, je sais que le film va arriver à Nancy au mois de mars, début mars, il sera au caméo, j'espère. On pourra aller le voir au niveau du Café Social. Alors retenez bien, hein, retenez bien le film « Mansoura, tu nous as séparés » au mois de mars, et on aura des billets sûrement au Café Social à pouvoir vous donner. Merci encore. Et puis, si vous ne savez pas quoi faire, dimanche à 9h, Fadjet 94.2. Merci.